Les belles rencontres. Aujourd'hui, la conclusion de l'entretien d'Anne avec Jacques Boutin. Alors, en ce moment, est-ce que tu peins plus des animaux ou si tu fais ou c'est pareil? Et tu fais autant de documentaires que de... Je fais plus de documentaires. Tu fais plus de documentaires maintenant. Ouais, ben toi, là, je pense que la passion, elle a un petit peu changé de place. Là, mais c'est drôle, hein, parce que des fois, la destinée, comment, où qu'elle peut nous conduire. Parce que toi, c'est à partir des films pour faire des photos, pour peindre, que ça t'a amené à faire des films documentaires. Ouais, c'est ça, c'est bizarre. Mais c'est sûr, j'ai des commandes, mais il y en a qui vont rire. Mais entre ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai des commandes, ça fait un an que je n'ai pas fait. Mais c'est ça. Et je vais en faire, c'est sûr encore, mais disons que le film m'intéresse encore plus que la peinture. Qu'est-ce que c'est qui fait que le film t'intéresse plus que la peinture? Ouais, je ne sais pas. C'est parce que c'est beaucoup de. Ben, je pense que c'est beaucoup de travail, mais c'est toute la recherche. C'est vivant beaucoup aussi? Oui, c'est vivant, puis faut que tu consultes plus de monde, puis c'est plus intéressant que d'être seul. OK, oui, je comprends. Parce que quand on peint, c'est vrai qu'on est vraiment plus solitaire. Seul, ouais, c'est ça. C'est un travail solitaire. Puis moi, ben, j'aime bien le public, et à ce moment-là, ça me donne la chance d'avoir beaucoup de monde. Oui. Même si on ne fait pas grand-chose ensemble, la gang, mais je veux dire, ça me donne la chance d'aller contacter une personne, d'aller en voir un autre, d'aller filmer une place. C'est jamais la même place. Mm. Puis justement, t'aimes beaucoup le public, fait que t'enseignes. Oui, j'enseigne aussi. T'enseignes, parce que là, t'es toujours en contact avec les gens. Oui, ben, c'est comme si j'en faisais encore de la peinture, c'est dans le fond. Ouais. Indirectement. Oui, t'enseignes un peu partout. Oui, j'enseigne à Coaticook, à Sherbrooke, Stinguett, Weedon. Eh bien, quatre places. Ouais, quatre places, puis, ben là, tranquillement, là, j'y pense, là, quoi, encore cette année peut-être, mais l'année prochaine, là, je vais commencer à y penser un peu plus. Ouais. Parce que ce que tu enseignes, c'est ta technique. Oui, ben moi, j'enseigne que ce que je sais. J'enseigne pas mal, toi. Je peux pas enseigner d'autres choses, je connais pas d'autres choses. Oui. Puis ceux qui viennent dans les cours, c'est parce qu'ils veulent apprendre un peu de la technique j'utilise. Mais par contre, il y en a d'autres qui ne l'auront jamais. Ils vont continuer à peindre, ils vont peindre à leur façon. Ils n'ont pas oublié de toute la suivre. Mais l'important, c'est de savoir les techniques. Je pense que c'est ça qui est important. Là. Fait que ça veut dire que dans les années qui vont suivre, on va pouvoir voir plus de films de toi. Oui, oui. Parce que tu en as beaucoup à ton actif. Oui, bien, d'abord, j'en ai 12 qui ont été parus. Oui. Là, j'en ai 3 qui sont quasiment terminés. Qu'on peut acheter. Oui, vous pouvez jouer, c'est en DVD. Il n'y en a pas de tout partout, par contre, mais c'est plus local, là, je veux dire, chez moi. En exposition. C'est ça, puis quand tu fais pas tes expositions de peinture, mais tes démonstrations de films. De films. Ah oui, ça aussi, ça c'est sûr. Bon, il y a plusieurs places, mais c'est ça. En général, c'est pas vraiment dans des commerces, des choses de même. Là. Il y en a, c'est souvent, je t'ai demandé, mais je me sens pas encore à l'aise. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, de toute façon, nous autres, c'est du plaisir à date, là. Ben, c'est ça. Il faut vraiment faire ça avec le plaisir. Ah, ouais. Je trouve que t'as une belle, ça a commencé d'une façon quand t'étais jeune, puis là, t'es rendu à faire des films sur les animaux. Ouais. Avec la narration, c'est qui? Est-ce que c'est toi qui? Non, la narration, c'est Jean-François Nolin. OK. Ben, c'est un gars une personne qui travaille à la radio. Oui. Je pense actuellement, c'est à Victoriaville, je me souviens bien. Mais avant ça, c'était à Trois-Rivières. OK. Puis il y a une super belle voix, là. C'est vraiment professionnel. Ah, ben, je pense que tu n'as jamais vu encore. Non, parce que ça n'a pas donné. Je n'étais pas dans la région quand. Okay. En tout cas, c'est ça. Puis le texte, ben, ça dépend. À ce temps, j'en fais pas mal plus qu'avant. J'ai compris le principe de le faire. OK, tu fais le texte. C'est ça. C'est toi qui fais le texte. Oui, je me fais corriger, vraiment. Ben, j'écris les principales choses que je pense, que je vois. Après ça, ben, je fais checker mes textes par des personnes qui sont vraiment connaissantes. Bien, c'est ça. T'es un homme de collaboration aussi. Oh, oui, ben, c'est un domaine qui s'en apprend. Ouais. Ah, oui. Si tu es seul, ben, tu peux faire beaucoup de choses seul, mais c'est plus facile quand t'es pas seul. Fait que tu fais ça beaucoup dans le partage aussi. Ben, c'est seulement de la narration et les textes. Okay. La balance, je fais pas mal de tout. Ben, la musique, c'est juste pas moi qui le fais. Ça, c'est ton frère. Mon frère. Mais la balance, le montage, tout ça, je fais tout ça. Puis, ça veut dire que des fois, tu peux filmer en plein hiver. Faut que tu sois. Ah, oui. Faut que tu sois bien. Parce que si c'est lent pour approcher les animaux, faut que tu sois bien habillé. Oui. pour d'être bien habillé. Puis c'est une, ben, je, ça a déjà passé un journal, je pense, j'ai lu l'article. Oui, avec Jean-François Vézina. Oui. Où il avait fait un très bel article oui. sur tes deux films de l'année passée. C'est ça, parce que je racontais que j'avais été filmé, mais à ce moment-là, je filmais des dindes sauvages en plein hiver. Et, puis il faisait froid cette journée-là, puis il y avait deux, trois dindes dans un arbre, dans un champ. J'avais décidé d'aller les filmer plus proche, mais j'étais juste en petit jean bien ordinaire, puis une petite paire de gants bien ordinaire. Puis j'avais fait un grand bout, puis un coup, ben là, quand il faisait très froid, puis là, ben, un coup arrivé eux autres, ben là, eux autres, ils ont débarqué de l'arbre, ils ont commencé à s'en aller. Là, j'ai voulu les suivre tout le temps. Là, un moment donné, j'étais rendu pas mal loin de mon auto. Mmh. Puis là, j'étais gelé. Ouais. Là, assez gelé que j'avais de la misère même à avancer. Ah oui. Puis là, je voyais mon auto qui était quand même assez loin. Là, donc, non, je ne serais jamais capable de me rendre à mon auto. J'étais plus capable de. Je me suis rampé parce que j'étais gelé. Là. Mm-hmm. Quand j'ai réussi à me rendre mon auto, puis c'était fini. Je ne faisais plus jamais ça. Surtout quand on est dans un genre grand champ puis qu'il vente. Ah, là, puis il fait de la foi. Je pense que je faisais moins 30. Ouais, dire qu'on a connu ça cette année. Oui, hein. Oui. Puis là, bien. Je pense qu'on a fait quand même un beau grand tour. Ah, hein? Ben ça fait plaisir. C'est super. C'est plaisir. Sûr, je pourrais rencontrer bien des choses, mais disons. As-tu une petite anecdote à nous raconter pour finir? Non. Non, c'est pas avec les animaux ou avec. Oui, il y a toutes sortes de choses. Mais là, je vais ben là, ouais, puis là, je pense, qu'est-ce que je pourrais dire, par exemple, que je vois quand on fait un film pour l'année prochaine. Oui. Les fous de bassin. Ah oh, oui. Il y a des ça, démarches qui ont été faites avec la faune, puis tu as fait la façon de la faune, puis ça. Avec le ministère de la faune. Oui, ben là, c'est ça, on est en contact avec eux autres. Ben, pas moi personnellement, il y a un de mes amis de Gaspé, là. Oui. Qui est rentré en contact avec eux autres, puis ça se passe super bien à date, là. Puis, ça va aller filmer ça. Ben c'est, ça, ouais, c'est ouais. bien. Ça, ouais, c'est on va aller là 3 semaines de temps. Là, là ça devient très professionnel. Oui, ouais, ben ça, c'est parce qu'on s'amuse, comme on dit toujours, on s'amuse. Oui, il faut vraiment ça aussi. Oui, puis en tout cas, ça, j'ai bien hâte. Là je me suis équipé aussi en toutes sortes de choses, en équipement pour filmer. Puis, mm-hmm. En tout cas, je pense que je vais avoir bien du plaisir. Pour oui, c'est ça. Puis tu t'en vas le mois de juin? Oui, je pars ben, le 27 juin. Le 27 pour 3 semaines. Oui. Parce que c'est le temps de la nidification. Oui, c'est ça. La nidification, les poussins, je vais voir les poussins. En tout cas, c'est pas mal dans le temps, supposément. Là. Mm-hmm. Mais je vais savoir ça, mais j'arrive sur place. Là. Ben, ça, c'est passionnant, ça. Oh, oui, ça, j'ai hâte. En tout cas, je te souhaite un bien bon voyage, un bon filmage. Ça doit se dire, filmage, après un bon film. C'est ça. Ben, merci infiniment, Jacques, de nous avoir transportés dans l'univers subtil. Oui, je pourrais dire une petite chose avant. Oui. Parce qu'en parlant de mes films, le 22 novembre, je vais passer mes deux premières. Là, ça va être le Remousqué puis le Cycle des papillons là, de nuit. Là. Oui. Donc, il faut juste mentionner ça en passant. OK, le 22 novembre? C'est le 22 novembre. À quel endroit? L'église Sainte-Famille à Sherbrooke. OK, l'église Sainte-Famille à Sherbrooke, le 22 novembre. C'est en après-midi, hein? Oui, c'est tôt l'après-midi, okay. Puis ça finit à l'entour de 4h30, 5h. OK. L'entour de ça, c'est puis bien. Puis les papillons de nuit, là, ça veut dire que tu sortais la nuit? Oui, oui. On fait des chasses de nuit. À partir des chasses de nuit, ben, on filme ce qu'on voit. Mm-hmm. Puis il y a toute l'évolution du papillon. C'est l'œuf, la chenille, la chrysalide, mm-hmm. puis le papillon. C'est tout le suivi de ça. Là. C'est vraiment la vie du papillon. Il y a un beau reportage, mais c'est fait aussi avec des professionnels. Mm-hmm. Il y a M. Huppé, c'est de Couchier, M. Bolduc de Nantes. Mm-hmm. Il y a un autre, un peu des collectionneurs en plus. Là. En tout cas, je suis bien entouré, là. Ben oui. En tout cas, c'est bien passionnant. Eux autres aussi sont bien entourés. Oui, c'est ça. Il y a monsieur, justement, qui va faire les textes, monsieur Vézina. Ah oui, va faire les textes pour les papillons, là. Ah oui. Il est en train de travailler après ça, là. C'est ça. Puis, j'aime bien ce qu'il fait aussi. Il travaille, en tout cas. Il est venu à plusieurs de mes films aussi, là, puis il est bien satisfait, bien content de ça. Je comprends, mais l'article que j'ai lu, là, c'était vraiment plein de louanges. C'est ça. C'est ça que je voulais dire. Une belle invitation pour à tout le monde. Oui, j'aimerais ça. Si les gens peuvent venir voir ça. Le 22 novembre, à l'église de Sainte-Famille à Sherbrooke. C'est ça. Puis le Remousqué et les papillons de nuit. C'est ça, c'est les deux films qui vont paraître à ce moment-là. Une invitation. Une belle invitation. Pour le beau travail que tu fais. Merci, Anne. Fait que, ben c'est ça, parce que tu nous as transportés dans ton univers qui est subtil et vivant et qui valorise les animaux, soit par la peinture, mais là, en ce moment, c'est les films. Parce que tu nous transportes avec émerveillement vers une fenêtre sur l'observation des animaux dans leur milieu naturel. Fait que merci, Jacques. Ben, c'est moi qui te remercie, Véro. Pour tout ce que tu fais pour ça. Merci. Merci. Puis à bientôt. Merci. Merci. Bye-bye.